Chapitre 72e, le dernier coup. Cependant, ce n'était pas seulement cette constatation qu'avaient pu faire les hommes placés par Paulin Broquet aux alentours de l'hôtel du marquis. Ils avaient pu voir, peu après le départ du marquis et de ses amis vers l'hôtel-Dieu, un homme pénétrer dans la maison. Cet homme, ils le connaissaient bien, c'était le banquier James Benhamol. Or, quelques instants après, le banquier James Benhamol, égyptien, sujet anglais, sortait de l'hôtel précipitamment, serrant tout contre lui la précieuse sacoche de cuir. James Benhamol, ayant vu ces documents, comprit qu'ils concernaient l'EDR, crut au triomphe de Zygomar, pensa que le maître commettait une imprudence de laisser ainsi ses précieux papiers sans plus de garde, et les emporta pour les mettre à l'abri chez lui, pour en tirer parti, lui, avant le maître. L'égyptien James Benhamol venait de voler Zygomar. Jamais le fameux dicton, bien malin qui ne profite pas, ne reçut plus belle consécration qu'à cette occasion. Il ne s'agit pas en effet de seulement voler. Le vol est à la portée de tous les chenapans. Le difficile est de tirer profit de son larcin. Ce n'est pas commode du tout, et les voleurs le savent bien, car le coup fait, ils se trouvent très embarrassés et ne peuvent rien dire, et commencent aussitôt le gaspillage et les bêtises qui les conduisent forcément dans les mains de la justice. James Benhamol se dit une fois rentré, non chez lui, dans son domicile particulier, mais dans son officine de la rue Saint-Marc, en examinant les documents dans la sacoche de cuir. « Oui, c'est la fortune que j'ai là, ce sont des millions. Mais comment réaliser ces papiers? Dois-je les rendre au gouvernement français contre bonne somme ou les vendre à l'étranger ?» Un homme d'affaires génial, James Benhamol se dit que la bonne combinaison était de les rendre au gouvernement français, et de les vendre en même temps à l'Allemagne, où l'on attendait avec tant d'impatience tout ce qui concernait l'EDR. Aussitôt, James Benhamol alla bien vérifier la fermeture de ses portes, donnant ensuite un tour de clé. Puis il se mit en devoir de photographier les documents. L'appareil dont Schmidt se servait était là. Munir le châssis de plaques, disposer la chambre noire, épingler au mur les documents, mettre au point et faire jaillir l'étincelle de la lampe à magnésium, fut l'affaire de quelques secondes. James Benhamol, égyptien, sujet anglais, venait de faire sa première plaque avec tous les soins désirables et se disait « En voilà une dont je suis sûr ». Il s'apprêtait à piquer au mur un autre document quand derrière lui, une voix railleuse lui demanda « Croyez-vous que ce cliché soit bon ?» James Benhamol se retourna vivement et, glacé d'épouvante, s'écria « Le maître !» Zygomar se trouvait au milieu de la pièce. Quand ? Comment était-il entré ? C'était l'affaire le secret de Zygomar. Bref, il était là, et cela seul était épouvantable pour James Benhamol. Zygomar s'adressa, toujours souriant, à l'Égyptien sujet anglais. « Vous êtes un imbécile, mon cher ami. Ce qui accentue votre trahison, ce qui vous condamne deux fois, comme le disent les règlements des aides. Maître, pitié !» balbutia James Benhamol. « Je vais vous expliquer. Inutile, je comprends. » J'ai cru autrefois, d'après vos déclarations, que votre employé Schmidt vous trahissait et prenait votre personnalité pour vous trahir. Je l'ai exécuté sans pitié, l'ayant pris en flagrant délit. Aujourd'hui, je vois que Schmidt n'agissait que d'après vos ordres. Je vois que vous continuez l'œuvre de Schmidt. Il est juste que vous partagez le sort de Schmidt. Grâce, grâce ! Gémit James Benhamol, tombant à genoux. Grâce ! Non ! Et froidement, Zygomar ajouta, tout en préparant la cordelette qui allait servir à étrangler le malheureux. « Je dois cependant, avant d'envoyer votre âme de traître rejoindre celle de Schmidt, vous dire que ces documents ne valent rien. Sans cela, je ne les aurais pas laissés chez moi, dans le salon, à la portée d'un imbécile tel que vous. » James Benhamol voulut, dans un élan de désespoir, se lever, se sauver, mais la corde que tenait Zygomar s'enroula autour de son cou. Il poussa un cri de détresse, râla, et après quelques secondes de délai, expira. Zygomar et ses hommes placèrent le cadavre sur le vieux fauteuil où l'on avait trouvé précédemment le cadavre de Schmidt grimé en James Benhamol. « Cette fois, » fit Zygomar en riant, « Paulin Broquet pourra constater que c'est bien James Benhamol. »